Alors, je cherche un job et je viens chez vous voir ce que vous aviez pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Rien. J'ai plus de boulot, ma copine m'a plaqué, je m'ai marre de cette merde, je vais me suicider. Je vais me suicider. Ça dit d'être mon ennemi sur Facebook. J'aime pas. Elle est plutôt pas mal cette soirée. Elle était plutôt jolie. Ça te dirait de sortir avec moi? Non.